أن يكون فعل الثلاثي. Très bien. Également, on avait dit متصرف, qui est l'inverse de quoi? Jamed. Un exemple d'un fil jamed. ليس. معنى متصرف, on a ماذا? الماضي والمضارع والأمر. Également, un des chartes. الناقص. C'est-à-dire, il ne doit pas être ناقص. Voilà, pas ناقص. أن يكون الفعل تام. C'est-à-dire que le verbe, اسم تفضيل وتعجب, تام. ما معنى تام يا أيمن؟ لا, تام. أن يكون تام, فعل تام. لا, الناقص يحتاج إلى خبر. كيف تدي؟ ما معنى تام؟ لو قلت لك ما معنى فعل تام؟ سيكون العكس. لا, هذا سي اوتر شوز. الجملة المفيدة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. زيد قائم جملة اسمية مفيدة. قام زيد جملة اسمية. يا سي جو تدي بارك الله فيك, ليس زيد مريضا. هذا فعل ناقص. لماذا؟ لأنه ما يكتفي بالمرفوع, ليس زيد, مفهوم؟ أما الفعل تام تقول ماذا؟ يكتفي بمرفوعه. الفعل تام صديق سو مرفوع لي سوفي. جلس زيد. Est-ce qu'on a besoin d'un mef'ul bi? Hein? Là. Hada ma'na tam. T'as bien, Inch'Allah, t'as compris, l'Aïman? Avec Allah, fik. Également. Il faut que ça soit une chose qui se compare. Ça, c'était dans l'ism tafdil. C'est-à-dire, qabil et tafdil. C'est-à-dire qu'il accepte le comparatif. Une chose qui n'accepte pas le comparatif? Une chose qui n'accepte pas le comparatif. Par exemple, je peux dire Zayd a'lam min Umar. Là, c'est bon. Il y a un l'aïm fi atafad. Hein? Un homme peut être plus savant qu'un autre, plus riche qu'un autre, plus jeune. Mohamed, c'est-à-dire qu'une chose, on a donné un exemple, ça n'accepte pas le comparatif. Al-fi'l mata, la mort. Mata qul zayd amat min Omar. Ça, vous le verrez plus tard, il faudra amener quelque chose d'après. Taïb. Wa aydan. Alaykoum salam. On a cité tout, je crois. Là, il en manque un qu'on a cité. On parle de quoi? Vas-y. 5. Non, pas 10, 5. Pour reconnaître. Des chouroutes. On t'en souvient pas? Un des cas, oui. Sur la forme de Af'al. Également Af'al. Taïf, parce qu'il est Thulati, mais également. Là, ça c'est autre chose, on parle des conditions. Mouthbet. Il n'y a qu'un mouthbet, c'est-à-dire positif. Aïkoum salam, rahmatullah. Taïb ? Là, ça c'est autre chose. Là, on parle de quoi ? Aïkoum salam, rahmatullah. Là, on est en train de parler du fi'l ta'ajoub. Celui qui a compris l'ism tafdil, shurut l'ism tafdil, tout jad fi mada ? Fi le fi'l ta'ajoub. Hada ma'na. Vous avez compris ça ? Après, on va trouver des autres différences. D'ailleurs, on avait dit quoi, on répète alors, an yakun fi'l thulathi, hein, ma'na thalatha ahruf, muthbat, c'est-à-dire positif, mutasarraf, c'est-à-dire l'inverse de quoi, de laysa, ma'loum, ça vous le verrez dans le 3, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être mabni ni majhoul. D'ailleurs, wattam, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être quoi, naqs, comme kana, laysa. On avait dit quoi également, qu'il accepte le tafdil. D'ailleurs, c'est compris ça? Et pourquoi on utilise barakallahu fikoum l'an le fil al ta'ajoub? Ça veut dire quoi? Automatiquement, il y a une chose sur laquelle que tu t'étonnes ou sur laquelle tu t'exclames. Taïb? Quand tu dis par exemple ma atwala hadar rajul. Taïb? Hadar rajul tawilun. Regardez, tu dis. Salam wa barakat. Taïb? Tu dis hadar rajul tawilun. Ma atwala hadar rajul. Taïb? Le ma ou hna? Tu dis ma ta'ajoubi. Taïb, c'est pas le ma nafia. Parce qu'on avait dit quoi? Un yakoun mutbet. Pour pas que vous confondez, vous pensez, yahmakallah, que vous pensez que c'est un ma quoi nafia. Là, ma ou na ta'ajoubi. Taïb, c'est compris ça? Et après, atwala, ici il sera quoi? Fi'l. Fi'l madi.